Thank you. Comme ça, oui, oui, Thank you. Thank you.

Oh, T'es en live hein, sur la basse, hein. Tu l'as pas oublié la basse. Quel âge tu pèves, bonasse? Oh, mademoiselle! Eh, mademoiselle!